Bacon spice and a bone to the oven of mine. And tell me bacon's all the time. And I'm sick of things of an oven at all. I wanna see you when I sign. I'll go science to all the oven. I'm an oven, say I'm a lie. Love is free. Toujours à chaque fois, c'est nul à jamais. faire ou regarder. Tu ne sais pas aimer. Que j'aurais préféré rester là où je t'aime. Moi, je vais aller boire un petit café. Maybe tu peux m'en faire un petit. Tu ne trouveras pas ce vocodeur sur Ninja. Je vais te donner le lien pour le télécharger. Tu le télécharges, ensuite tu le mets dans ton dossier VST. Je vais te faire voir un démon. Je l'avais en plus ce truc. Voici la démon. Ça déconne. Voici le lien pour le télécharger. Mais maintenant c'est pas la même tonalité. Tu choisis chromatique. Chromatique il va avec tout. Et tu pourras tout chanter avec le preset chromatique. Oh, ou alors tu prends chromatique. Et après si tu prends le mal, tu vois, tu deviendras un garçon. Comme moi, je deviens immortel. Thank you.

Oh, Thank you. It's so cold in this house.